بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث numéro 2 من كتاب رياض الصالحين، les jardins des vertueux de l'imam al-Nawawi rahimahullah. Selon Aïcha, al-Mu'minin, Abdillah, Aïcha radiallahu anha, donc selon la mère des croyantes, al-Mu'minin, car comme on le sait, les femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa radiallahu anhu radiallahu anhun sont considérées comme les mères des croyants. Il n'a pas été permis après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de les prendre comme épouses, car comme chacun le sait, il est interdit à chacun d'épouser sa propre mère. Et comme les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhun sont mères, alors est considéré comme notre père le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Abdillah, c'est la cunia de Aïcha radiallahu anha. Abdillah, et pourtant on sait qu'elle n'a pas eu d'enfant qui s'appelait Abdullah. Il est donc permis, et ceci est la preuve, qu'il est donc permis d'avoir une kunia commençant par Abu pour un homme, ou bien pour une femme, ou bien Bintu, ou Ibnu Fulan, ou Bintu Fulan, même si on n'a pas eu d'enfant, de s'appeler Abu Abdillah, ou Abu Muhammad, ou autre, avec les noms permis, ou bien Abdillah, comme c'est ici le cas de Aïcha radiallahu anha. عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elle a dit que le prophète, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. Elle a dit رضي الله عنها que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: une armée se mettra en marche pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier au dernier. Alors Aïcha radiallahu anha a dit: Qala qultu ya Rasulullah. Elle a dit: j'ai dit au messager d'Allah, kayfa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. Elle a répondu: ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier alors qu'il y aura parmi eux leurs subordonnés, yani qu'ils sont astreints à les suivre, ainsi que des étrangers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement répondu: yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. ثم يبعثون على نياتهم. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري رحمه الله. Il a répondu عليه الصلاة والسلام: ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressusciteront chacun selon sa propre intention. Et c'est là la version de l'imam Bukhari. Mais ce hadith est reconnu comme étant authentique, unanimement authentique, reconnu authentique par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Mais ici, la version de l'imam Bukhari, rahimahumallah. La date de cet événement, seul Allah tabaraka wa ta'ala la connaît. Ça, c'est le premier point retiré du hadith. Deuxièmement, cela fait partie de l'invisible. Car cela a été révélé par Allah tabaraka wa ta'ala à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela fait partie des choses de l'invisible, le mustaqbal, c'est-à-dire pour le futur. Étant donné que c'est une chose de l'invisible, il nous est certes obligatoire d'y croire, car cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a confirmé, il l'a dit, donc il est obligatoire à tout croyant qui croit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de croire fermement à cet événement qui doit arriver. Cette armée sera située dans un endroit désertique et c'est là que la terre va les engloutir. C'est là que la terre va les engloutir. Ça montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fera ouvrir la terre car la terre obéit à Allah azza wa jal. Elle est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle obéit. La terre obéit à Allah tabaraka wa ta'ala et cela est prouvé dans plusieurs hadiths du prophète sallam, notamment Yom al-Qiyamah où on dira à la terre de parler et elle dira tel jour un tel a fait ça, tel jour un tel a dit ça, car elle a vu les choses qui ont été faites sur elle, elle a entendu les choses qui ont été faites sur elle, qui ont été dites sur elle. Ce qui est mis en relief ici dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'imam Nawawi l'a classé fi bab al-ikhlas dans le chapitre de la sincérité et de l'intention, c'est l'intention qui est mise en relief dans ce hadith. Et chacun a une intention de faire quelque chose, une volonté de faire quelque chose. L'intention chez les pieux prédécesseurs, chez Salaf al-Salah, c'est le vouloir, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de formuler une intention, sauf pour le Hajj et la Umrah, car là on a un texte qui nous légifère, le fait de mentionner bil-lav, bil-lisan, bil-qawl, par la langue, par la parole, de mentionner l'intention. Parce qu'on a un texte qui vient nous dire labbaik Allahumma bil-umrah ou labbaik Allahumma bil-umrah wal-hajj, qui vient nous dire de dire me voici mon Seigneur pour je viens à toi pour accomplir l'umrah, pour accomplir le hajj ou bien le hajj et l'umrah. On a des textes qui viennent marquer l'exception, mais dans le sens général, il n'est pas demandé de mentionner l'intention, car elle est dans le cœur et c'est ce que tu veux faire. Il n'est donc pas permis, et ceci fait certes partie des innovations, que de mentionner le fait de dire par exemple avant salat al-dhuhr, bismillah salat al-dhuhr, ou bismillah summa ramadan, la al-niyatu fil qalb. Parce que l'imam Ahmed rahimallah, a été interrogé sur ce sujet, kayfa al-niyah, comment est-ce qu'on mentionne cette niyah, il a dit al-niyatu fil qalb, l'intention est dans le cœur, c'est ce que tu veux faire, yani. Le fait que les gens seront tous anéantis, selon les sagesses de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et peu importe leurs intentions, prouve qu'il ne faut pas rester avec les gens mauvais, de peur d'être châtié avec eux. Car Aïcha radiallahu anha a bien mentionné ici, dans ce hadith, qu'il y a des gens qui sont forcés. S'ils ne combattent pas, on les tuera eux et leur famille. D'autres sont étrangers à eux, des gens qui passent par là. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala les engloutira tous. Tous seront châtiés dans le même endroit. Chacun sera ressuscité selon son intention, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc ici un avertissement à ne pas rester avec les gens qui pourraient subir le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala et de s'éloigner d'eux. ainsi que du lieu dans lequel ils commettent leur turpitude. On doit donc rester, on voit bien ici encore parmi les sagesses de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de rester avec les gens de bien qui sont sous la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala et de se rapprocher des gens les plus pieux de cette terre, notamment l'ulama, les savants. Innama yakhshallaha min ibadihi l'ulama, car ceux qui craignent le plus Allah, ce sont certes les savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible, et seul Allah tabaraka wa ta'ala l'a informé de cet événement, car sans cela il ne pourrait savoir ce qui se passe dans le futur, car le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam min al-bashar est un être humain, mais il est certes la meilleure des créatures, mais il ne connaît de l'invisible que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a montré ou lui a révélé. Donc avoir la foi en ces informations est une obligation religieuse, car ces événements se passeront vraiment quoi qu'il arrive. Et le prophète sallam ne parle pas par sa passion. C'est certes une révélation, car la sunna lui a été révélée comme le Coran. Ce que l'on peut retirer comme sagesse encore ici, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyama ressuscitera les gens anéantis ce jour-là, et il distinguera entre celui qui était de passage, celui qui fut contraint par la force, ou bien celui qui était volontaire, qui avait l'intention de combattre pour aller anéantir et détruire la Kaaba. Allah tabaraka wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs, connaît l'intention de chacun, et rien ne peut lui échapper. Donc cela montre que le croyant doit vivre sous cette crainte, sous cette peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala sait chaque chose qu'il pense, chaque chose qu'il a l'intention de faire. Et tant mieux pour lui si ce sont des actions de bien qu'il a l'intention de faire, mais malheur à lui si ce sont de mauvaises intentions. Il pourra ruser les gens, mais il ne rusera pas Allah tabaraka wa ta'ala. Aucunement la créature ne peut ruser le tabaraka wa ta'ala. Si on regarde bien comment les sahaba, et notamment ici sahabiya Aïcha radiallahu anha, demande la science, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'ils posent une question, ils veulent partir sans ambiguïté, ne pas laisser de flou ou des choses qui pourraient amener à l'waswas. Ici Aïcha a posé une dernière question lorsque le prophète sallam lui a dit que une armée se mettra en marche à la fin des temps pour détruire la Kaaba. Quand elle sera dans une zone désertique, la terre les engloutira tous, du premier au dernier. Elle ne s'est pas tuée, elle a dit, il arrivera ce qu'Allah tabaraka ta'ala leur a écrit. Elle a eu une ambiguïté sur un sujet, à savoir qu'il y a des gens qui sont de passage, effectivement, ou bien des gens sont forcés. Donc elle a voulu enlever un shubha. Et c'est là la manière des pieux prédécesseurs de demander la science à leurs savants. Et ici notamment, le plus savant des savants, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et on voit bien que Aïcha, radiallahu anha, a posé une dernière question, n'est pas restée sur la première parole du prophète, sallam. Et elle a bien dit, certains seront de passage, d'autres étrangers à eux, d'autres forcés. Comment seraient-ils engloutis tous? Et le prophète sallam a bien répondu, dans le sens où il a répondu à cette ambiguïté, et il n'a pas laissé Aïcha sur cette interrogation. Mais il a bien répondu en disant quoi? En disant que ils seront ressuscités selon leurs intentions. Et après cette parole du prophète sallam, il n'y a pas une autre question à poser. Et Aïcha radiallahu anha n'a pas posé une autre question de ce que l'on sait, et elle s'est arrêtée là, puisque le prophète sallam a répondu à cette question. Et le prophète sallam était clair dans ses réponses. Il ne laissait pas les gens partir avec des ambiguïtés. Il est donc demandé à chaque da'i, chaque personne qui fait le da'wa, de ne pas laisser les gens repartir après leurs questions sur une ambiguïté ou sur des doutes mais qu'il repart bien avec une certitude. L'ilm al-yaqin, car la science, c'est la certitude. Voici donc les leçons retirées de ce hadith numéro 2 dans Riyad Salihin de l'imam Nawawi, rahimahullah, et que cela soit compris, inshallah ta'ala, pour chaque croyant, pour nous-mêmes, et que cela soit accompli, car la science sans des œuvres, ce n'est pas une science profitable. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous permette d'apprendre l'ilm nafi', la science profitable, ou l'amal bih, et d'appliquer cette science. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.